Chapitre 3. Cette année-là, Pâques tombait très tard. La foire au pain d'épices durait encore et les cafés-concerts des Champs-Élysées venaient déjà d'ouvrir. À Paris, c'est signe que le printemps commence. Les viveurs n'ont pas besoin de consulter le calendrier pour changer de plaisir. Au lieu de s'enfermer dans les théâtres, ils vont là où ils sont sûrs de trouver des femmes en toilettes claires et de dîner en musique. Ainsi avaient fait Julien Gémozac et Alfred de Fresnay. Le soir du jour où Camille Monistrol s'était présentée pour la première fois chez l'associé de son père. Julien n'avait pas encore digéré le mauvais tour que son camarade lui avait joué, en le plantant là après leur aventure de la barrière du trône. Il le lui reprochait souvent, et au fond il lui en gardait rancune, mais rien ne lie comme les vices, et ces deux gardements étaient inséparables. Ils s'étaient rencontrés, comme d'habitude, à la partie de baccarat du cercle, de 4 à 7. Par exception, ils avaient gagné, et le gain les ayant mis en belle humeur, ils avaient décidé d'un commun accord de passer la soirée au café des ambassadeurs. Ils s'étaient fait servir sur la terrasse qui domine le concert, et ils y mangeaient en nombreuse compagnie. La fine fleur du quart de monde était là. On se disputait les tables, et ces messieurs s'estimaient fort heureux d'en occuper une des mieux placées. Juste au milieu, et tout contre la balustrade. Ils étaient venus pour s'amuser, et ils s'amusaient. Mais les deux convives n'étaient pas montés au même diapason de gaieté. Fresnay, tout à la joie, échangeait des signes avec les horizontales assises dans le voisinage, interpellait gaiement les messieurs qu'il connaissait, et il en connaissait beaucoup, car il était un peu de toutes les bandes, blaguait les chanteuses qui s'égosillaient sur la scène, et ses distractions diverses ne l'empêchaient pas de boire et de manger comme quatre, de boire surtout, et du train dont il allait, il devait infailliblement finir par se griser. Julien, moins exubérant de sa nature, prenait son plaisir en dedans et pensait à une foule de choses qui n'avaient aucun rapport avec le bruyant entourage qui s'agitait sous ses yeux. Il pensait que l'existence, même dorée, devient monotone quand elle n'a pas de but, que les farceuses à la mode se ressemblent toutes et que le bonheur ne consiste pas à souper avec ses demoiselles et à tracasser la dame de pique. Il pensait qu'il approchait de la trentaine et que la vie de famille a son charme. Il pensait surtout à Camille Monistrol. La jeune fille, qu'il avait vue le matin, si belle et si sérieuse, lui apparaissait comme un vivant contraste, avec toutes ces dévoyées qui n'étaient venues là que pour chercher fortune. Son manège le dégoûtait, et ses nerfs se crispaient quand il les entendait rire à faux des plaisanteries stupides de leurs amis de rencontre. Et il en était à se demander s'il ne ferait pas mieux de passer carrément, et d'un seul saut, dans le camp des bourgeoises. Il dépendait de lui de prendre, pour y entrer, un chemin que Mademoiselle Monistrol lui avait indiqué, et qui lui plaisait, précisément, parce qu'il n'était pas facile à suivre. Courir les aventures et braver les dangers pour conquérir la main d'une honnête fille, c'était plus tentant et plus neuf que de subventionner des drôlesses, et même que de se laisser tranquillement marier par ses parents à quelque riche héritière. Ses sages réflexions juraient avec les grimaces du comique de l'endroit, qui mimait en ce moment une chansonnette désopilante, et elles ennuyaient Fresnay, qui se mit à dire « Ah, tu as le vin triste, toi. Nous en sommes à notre troisième bouteille de Roederer, et tu n'as encore ouvert la bouche que pour boire. À la seconde, j'étais déjà gai comme un pinson. Maintenant, je commence à avoir envie de faire des bêtises. » « Moi pas, » répliqua laconiquement Julien. « Veux-tu parier 100 francs que je grimpe sur l'estrade là-bas, et que je dégoise une romance ?»« Tu en es bien capable, mais on te mettrait au poste. « Et je t'y laisserai, quand ce ne serait que pour t'apprendre à me lâcher comme tu l'as fait l'autre jour. »« Comment, tu m'en veux encore ? Mais tu devrais me remercier. Je t'ai laissé en tête-à-tête avec une personne qui t'avait donné dans l'œil. »« Et avec un homme assassiné. »« Mon cher, j'avais promis à 2 femmes charmantes de leur payer à souper. Or, je n'ai qu'une parole et... »« Tais-toi, tu ne comprends rien, et tu ne seras jamais qu'un gommeux. »« Alors tu crois que je n'ai pas de poésie dans l'âme ? Eh bien, tu t'abuses, mon cher. » J'aspire à me lancer dans de chevaleresques extravagances. J'ai soif d'inconnu. Oui, moi, Alfred de Fresnay, gentilhomme angevin et sceptique de profession, je rêve un idéal. Le diable, c'est que je ne le trouve pas. Mais il me prend par moments des envies de me sacrifier pour une femme. Une femme comme on n'en voit pas. Montre-moi une qui en vaille la peine, et je me déclarerai prêt à la défendre envers et contre tous. Tu hausses les épaules? Tu crois que je blague? C'est que tu ne me connais pas. J'ai des tendances romanesques. Tant pis pour toi si tu ne les as pas aperçues, des tendances cachées. Elles apparaissent surtout quand tu as bu. et quand j'ai gagné au baccarat, mais tu n'as qu'à me mettre à l'épreuve. Tiens, le voilà ton idéal, répliqua Gémozac, impatienté par ses propos d'ivrogne. Cette femme qui vient d'entrer? Et je ne dis pas non. Elle est superbe, et puis elle a un type étrange. L'idéal en question était une grande diablesse bien plantée, qui ne ressemblait pas du tout aux créatures attablées sur la terrasse. Celles-là, brunes ou blondes, étaient toutes bâties sur le même modèle, et habillées à peu près de la même façon. Qui en a vu une, en a vu cent. C'est un troupeau de brebis, égarées. La nouvelle venue portait une toilette bizarre, qu'aucune couturière en renom n'aurait voulu signer, et qu'elle avait dû inventer tout exprès pour se faire remarquer. Ses cheveux étaient roux, de ce roux vénitien qu'affectionnaient les maîtres du XVIe siècle. Ses yeux brillaient comme deux diamants noirs, et ses lèvres ne souriaient pas. Avec son grand chapeau à bord tailladé et sa robe à demi décolletée, elle avait l'air d'un Vélasquez détaché de son cadre. Son entrée avait fait sensation. Les cocodesses ricanaient. Leurs aimables compagnes chuchotaient. Évidemment, personne parmi les habitués de la terrasse ne connaissait cette femme, qui cependant ne devait pas être une débutante, car elle ne paraissait pas timide. Elle regardait dédaigneusement l'assistance, et elle restait là, coudoyée à chaque instant, par des garçons qui allaient et venaient du couloir à la terrasse. Fresnay ne manqua pas cette occasion de prouver à son ami que les aventures excentriques ne l'effrayaient pas. Il se leva, aborda carrément la dame et lui dit sans préambule: « Vous cherchez une place? Il y en a une à notre table. « Non, je cherche quelqu'un, répondit-elle froidement. Quelqu'un qui vous fait poser, puisqu'il n'est pas là. Dînez avec nous. Merci, j'ai dîné, mais je veux bien m'asseoir. » Sur quoi Fresnel lui prit galamment la main et la conduisit à la chaise qu'il venait de quitter, et qu'elle occupa sans se faire prier. Chez Mozart, ce serait bien passé de l'accompagner que son camarade lui amenait, et cependant sa curiosité s'éveillait. Il se disait: Où donc ai-je vu cette figure-là? Mais il avait beau regarder attentivement cette rousse aux yeux noirs, il ne parvenait pas à se rappeler dans quelles circonstances il l'avait rencontrée. C'était chez lui un souvenir confus. Peut-être même était-il dû d'une ressemblance. La taille, le teint, les traits, il croyait les reconnaître, mais il y avait dans l'ensemble quelque chose qui le déroutait. Fresnay, enchanté de sa trouvaille, prenait déjà des airs triomphants. Il se rengorgeait. Il avait mis ses pouces dans les entournures de son gilet, et il se balançait sur sa chaise en loriant l'étrange personne à côté de laquelle il était assis. Il semblait dire aux gens: « C'est moi qui ai fait cette conquête, et je vous en souhaite une pareille. » La dame ne lui rendait pas ses œillades et ne desserrait pas les dents. Elle ne paraissait même pas s'apercevoir qu'elle était attablée avec deux messieurs qui valaient pourtant bien la peine qu'elle s'occupât d'eux, car Gémozac était très joli garçon. Et Alfred de Fresnay était ce qu'on appelle dans le monde gay « pourri de chic ». Elle ne voyait que la scène, étincelante de lumière et émaillée de demoiselles très décolletées, qui n'étaient là que pour la montre. Cette contemplation l'absorbait à ce point qu'elle ne remarquait pas les manèges de son voisin. « Avouez, dit Fresnay en goguenardant, que vous êtes venu pour entendre chahier le petit bossu. Toutes les femmes le gobent. »« Je ne le connais pas, répliqua dédaigneusement Larousse. C'est donc la première fois que vous venez aux ambassadeurs ?»« Oui, qu'est-ce que c'est que ces dames assises en rond là-bas, sur les planches? Est-ce qu'elles vont chanter ?»« Jamais de la vie, ce sont de simples figurantes. Pourquoi les a-t-on habillées l'une en bleu, l'autre en rouge, l'autre en jaune, l'autre en vert? On dirait une nichée de perroquets. » »« Absolument. Madame a le mot juste. Madame sera-t-elle artiste dramatique? Non, artiste lyrique peut-être. Pas artiste du tout, étrangère. Ça ne m'étonne pas, les Françaises n'ont pas des yeux et des cheveux comme les vôtres. Vous devez être espagnole. Non, je suis hongroise. Ça revient tout de même, votre nationalité ne vous empêchera pas d'accepter un verre de champagne. Je veux bien, j'ai soif. Fresnay s'empressa de remplir un verre mousseline. Non, dit la dame, pas là-dedans. J'aime mieux une coupe. Je vais en demander une au garçon. Pas la peine, je me servirai de celle-ci. Et, s'emparant de la coupe pleine que Julien avait devant lui, elle la vida d'un trait. Le procédé était familier, mais si mal disposé qu'il fût, Julien ne pouvait guère se fâcher. Il s'inclina même pour remercier l'étrangère de l'honneur inattendu qu'elle lui faisait, et elle lui rendit un sourire engageant. Ses façons commençaient à l'intriguer. Il s'efforça de plus belle de ressaisir un souvenir qui lui échappait, le souvenir d'une rencontre avec cette énigmatique personne. Il n'y réussit pas davantage, mais il resta convaincu qu'il l'avait déjà vue quelque part, et il risqua une question. « Puis-je vous demander, madame, depuis combien de temps vous êtes à Paris? Je ne suis jamais allé en Hongrie, et cependant, je m'imagine que votre visage ne m'est pas inconnu. C'est possible, je suis arrivé la semaine dernière, mais je vais partout, je veux tout voir. Seul, dit Freinet, en clignant de l'œil. Oui, monsieur, je me passe fort bien de protecteur, car je ne crains personne. Alors, vous n'êtes pas marié? Je n'ai pas besoin de mari. Comment l'entendez-vous? J'entends que je veux me gouverner comme il me plaît, et il me plaît en ce moment de courir les coins et les recoins de cette ville curieuse. Ce ne sont pas les monuments qui m'intéressent. Je veux découvrir le Paris inconnu, dont j'ai lu tant de descriptions dans les romans français, les Bouges, les Assommoirs. Et vous commencez ce soir par un café-concert? C'est parfait, chère madame. Mais il y a mieux, et je suis en mesure de vous mener dans les bons endroits. Je serai donc votre guide, si vous le permettez, et je vous garantis que vous n'en trouverez pas de meilleur. Merci, j'en ai un. Qui ça? Un interprète qu'on vous a fourni à l'hôtel où vous êtes descendu? Un domestique de place à 10 francs par jour? Il vous fera visiter la monnaie, les halles et les abattoirs, tandis qu'un vieux parisien comme moi vous montrera ce que les étrangers ne voient jamais. Vous n'y êtes pas, monsieur. Mon guide n'est pas à mes gages. C'est un de mes compatriotes qui habite votre pays depuis 10 ans et qui a été l'ami de mon père. Il s'est mis à ma disposition et nous sortons ensemble tous les jours. Ce soir, je pensais le trouver ici. Il m'avait dit qu'il y dînerait. Et il vous a manqué de parole. C'est impardonnable. Mais vous n'y perdrez rien, car je le remplacerai avantageusement. Où faut-il vous conduire après le concert? Parlez, ne vous gênez pas. Désirez-vous voir la bibine du père Lunette, la cité du soleil, vulgairement appelée le petit Mazas? Voulez-vous souper au tombeau des lapins, le restaurant préféré de messieurs les chiffonniers? Tout cela doit être très intéressant, mais ce que j'ambitionne, c'est d'assister à une chasse à l'homme, des policiers traquant un assassin, comme dans les livres de Gaboriau. Cette femme est folle, pensa Julien. Je comprends ce désir, répondit imperturbablement Freinet. Seulement, ces expéditions-là ne se font pas à jour fixe. Et d'abord, vous qui possédez si bien notre langue, vous devez connaître le proverbe. Pour faire un civet, il faut un lièvre. Et les assassins, fort heureusement, sont plus rares que les lièvres. On ne s'en douterait pas quand on lit vos journaux. Il n'y a pas de jour où ils ne racontent un crime nouveau. Le lendemain de mon arrivée à Paris, ils ne parlaient que de l'assassinat du boulevard. Je ne me rappelle plus le nom. Ah, du boulevard Voltaire. En effet, c'est tout récent, et c'est une affaire très curieuse. Julien allongea sous la table un coup de pied à Freinet, qui reprit sans se déconcerter. Je vous étonnerais bien, chère madame, si je vous disais que j'y ai été mêlé, et mon ami aussi. « Vous, monsieur ? » s'écria la dame en regardant Gémozac, qui aurait volontiers battu son camarade. Freinet se chargea de répondre. « Mon Dieu, oui, dit-il, mon ami Julien Gémozac, que j'ai l'honneur de vous présenter, a découvert le cadavre. Nous le trouvions là, par hasard, et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Julien connaît beaucoup la fille du malheureux qu'on a étranglé. « C'est vrai, murmura l'inconnu, le journal a dit qu'il avait une fille. » Une très jolie personne, ma foi, et toute jeune. Ah, que je la plains. Je sais ce que c'est que de rester orpheline à l'âge où l'on entre dans la vie. J'avais 16 ans quand j'ai perdu mon père. Et encore, moi, à sa mort, j'ai hérité d'une grande fortune, tandis que cette pauvre enfant se trouve sans doute dans la misère. Oh, quant à cela, rassurez-vous, chère madame, elle est riche. Vraiment ? Demanda l'étrangère, avec une vivacité qui surprit beaucoup Gémozac. Oui, répondit Freinet, elle est très riche. Et pourtant, le père n'avait pas le sou. Il s'est trouvé qu'il avait inventé je ne sais quel appareil pour les machines à vapeur et que cette invention rapportera énormément d'argent à sa fille. Julien vous expliquera cela beaucoup mieux que moi, car son père était l'associé du défunt. Il est maintenant l'associé de l'orpheline. « Finiras-tu cette conversation stupide ? » s'écria Julien, exaspéré par les bavardages intempestifs de son malheureux camarade, qui semblait prendre à tâche de l'irriter en parlant de mademoiselle Monistrol à une inconnue très suspecte. « Pardonnez-moi, monsieur, dit doucement cette singulière créature, je vous ai affligé sans le vouloir, en interrogeant votre ami sur une personne à laquelle vous vous intéressez. Je regrette beaucoup de vous avoir fait de la peine. J'ai eu tort aussi de m'asseoir à votre table, car vous avez dû me juger fort mal. C'est la faute de mon caractère et de l'éducation que j'ai reçue. Je suis accoutumé à ne jamais me contraindre et à ne mesurer ni la portée de mes paroles ni la portée de mes actes. Mais je vous supplie de ne pas me prendre pour une aventurière. » Je suis la veuve du comte de Lugo. J'habite au grand hôtel, jusqu'à ce que j'aie trouvé une installation plus convenable. Et si vous voulez bien venir m'y voir, j'espère que vous changerez d'opinion sur mon compte. Je vous présenterai mon compatriote, M. Tergowitz, que j'espérais rencontrer ici ce soir. Et moi, s'écria Freinet, est-ce que vous me fermerez votre porte? Non, monsieur, car j'espère que vous allez me dire votre nom. C'est juste, je vous ai présenté mon ami Gémozac. « Et comme il ne me paraît pas disposé à me rendre à l'appareil, je vais me présenter moi-même. Alfred, baron de Freinet, 29 ans, orphelin. célibataire et propriétaire en Anjou. À nous deux, Julien et moi, nous représentons la noblesse et le tiers-état. Mais je troquerai volontiers les revenus de ma baronnie contre les millions du père Gémozac, qui reviendront un jour à son fils unique, ici présent. Il me suffit de savoir que j'ai affaire à deux gentlemen. Je serais charmé, messieurs, de vous recevoir, mais je doute que vous gardiez le souvenir d'une rencontre due au hasard. Je vous prouverai le contraire. Et bientôt, dit chaleureusement Freinet, qui s'emballait de plus en plus sur la belle aux cheveux roux. Julien ne dit mot. Il ne croyait pas au beau discours de la dame, et cette soi-disant comtesse hongroise lui faisait de plus en plus l'effet d'être tout simplement une intrigante. Il commençait même à soupçonner qu'elle avait ses raisons pour s'adresser à eux, et il maudissait l'indiscrétion d'Alfred, qui s'amusait à la renseigner, et qui ne paraissait pas disposé à s'arrêter en ses beaux chemins. Du reste, reprit cet incorrigible bavard, « Je compte, chère madame, que nous allons vous offrir dès ce soir une excursion intéressante. Après le concert, je vous montrerai, si vous le permettez, un des coins les plus bizarres du Paris nocturne. » En attendant, dit l'étrangère, sans se prononcer, « je vous prie de me laisser jouir d'un spectacle tout nouveau pour moi. Est-ce qu'on ne chantera plus ? Les dames de toutes couleurs s'en vont, et la scène reste vide. Elles reviendront, mais nous allons d'abord avaler des exercices de trapèze qui ne vous amuseront guère. Pardon, j'aime beaucoup les gymnastes, et je suis très curieuse de voir si ceux-là sont aussi forts que les nôtres. « Gymnastes ? » répéta mentalement Gémozac. « Elle emploie le mot propre et elle parle un français très correct. D'où sort-elle ? Jamais je ne me déciderai à croire que c'est une femme du vrai monde. Quelque institutrice déclassée, peut-être. Ce fou d'Alfred tirera la chose au clair, sans que je m'en mêle. » Alfred continuait à boire pour s'exciter, et la problématique comtesse suivait, avec une attention marquée, le travail des deux artistes en maillot couleur chair, en caleçon de velours noir et en bottines frangées d'argent, qui exécutaient sur une barre fixe les tours les plus extraordinaires, pirouettant, voltigeant, se balançant accrochés par les mains, par les dents, par la nuque ou par les jarrets. Elle s'y connaissait sans doute, car tantôt elle approuvait d'un hochement de tête un saut bien réussi. Tantôt elle faisait la moue lorsque l'exécution d'une cabriole difficile laissait à désirer. La chaise que le galant Freinet lui avait cédée était tout près de la balustrade. La dame, absorbée par ce spectacle intéressant, finit par s'accouder sur cette clôture en bois, sans plus se préoccuper des deux jeunes gens assis à la même table qu'elle. Julien ne la voyait plus que de profil, et Alfred ne la voyait plus du tout, car elle lui tournait le dos. Les dîneurs des deux sexes qui remplissaient la terrasse ne s'occupaient pas de ce trio mal assorti, mais les deux amis échangeaient des signes que la hongroise, placée comme elle était, ne pouvait pas apercevoir. « Décampons le plus tôt possible, mima Julien. Je ne veux pas m'accointer de cette femme toute la soirée. » « Elle me plaît, » répondait Alfred par des jeux de physionomie. « Va-t'en si tu veux, moi je reste et je pousserai l'aventure jusqu'au bout. »